Pour la suite, on va entendre un artiste qui s'appelle The 1983. C'est un artiste allemand qui, voyons, qui a publié une pièce. C'est un remix sur le net label Headphonica. Ça, c'est un net label que j'adore. Ils ont toujours plein de trucs intéressants. Donc, c'est un remix du groupe Hands. C'est la pièce Old Headphonica. Ils vont faire de plusieurs remixes. Ils vont publier à chaque jour des remixes différents de cette pièce-là, de ce groupe-là. Donc, restez à l'affût, vous allez voir, il y a toutes sortes de trucs vraiment intéressants sur ce net label-là. Donc, c'est ça, la pièce s'appelle Old. Ensuite de ça, sur Enough Records, mon Dieu, je suis incapable de prononcer le nom du groupe. Je vais essayer, ça s'appelle Duas Mikol K. Alors, je suis même pas capable. Donc, la pièce s'appelle Cadavre exquis. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite de 1983 avec la pièce Old remixée. Groupe au nom absolument imprononçable, je vais essayer, Duasemmikolker, oh, je suis même pas capable, donc c'était la pièce Cadavre exquis, allez voir sur le site de Wamusic, vous allez pouvoir voir le nom du groupe qui est imprononçable, donc c'était sur le netlabel Enough Records. Avant ça, ben, sur le netlabel Headphonica, c'était de 1983 qui remixait le groupe Hands, la pièce s'appelle Old. Donc, c'est ça, on va poursuivre avec un groupe de l'Australie qui s'appelle Convair. Je vous fais passer la pièce Outtake, ça c'est sur Modular Field. Donc, c'est ça, vous êtes toujours à Webmusic à l'antenne de CKRL. Un autre monde est possible, mais bien sûr que si. Et pour l'imaginer, la meilleure façon, c'est de commencer par avoir les bonnes informations. Alors écoutez donc Le Grain de Sable, l'émission d'Attaque Québec, en primeur sur CKRL 89,1, tous les mardis, 22h. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Pour l'occasion, Égalité genre féminin sera enregistrée devant public au Café Babylone en formule 5 à 7. Au programme, le 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes et la situation des femmes haïtiennes depuis le séisme de 12 janvier dernier. Poésie et musique seront aussi au rendez-vous. Le 8 mars à 17h, une émission spéciale d'égalité genre féminin animée par Sophie Gall au Café Babylone au 181 rue Saint-Vallier-Est. Cette émission enregistrée en direct sera rediffusée sur les ondes de CKRL le jeudi 11 mars à 9h. Impact Campus, c'est le journal des étudiantes et étudiants de l'Université Laval. Un hebdomadaire qui couvre votre quotidien avec un regard neuf et objectif. Retrouvez à chaque semaine notre section Art et Culture pour vous garder à l'affût des événements culturels de Québec et des artistes de la relève. Suivez-nous sur le web au www.impactcampus.qc.ca. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, tout juste avant la pause, on entendait le groupe australien Convair avec la pièce Hard Take. Ça a été publié sur le netlabel Modular Field, un netlabel qui a toujours des trucs vraiment intéressants. On poursuit avec un autre artiste qui vient de la Russie cette fois-ci, qui s'appelle Yoko Absorbing. Je vous fais passer sa pièce Free Future. C'est sur le netlabel Clinical Archives. Donc, un netlabel qui, je vous fais passer souvent des albums qui sont publiés sur ce netlabel-là. Ils ont toujours des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. Ensuite de ça, un artiste de l'Uruguay qui s'appelle Tinnitus. Je vous fais passer la pièce La Tango and la Mano. Donc, ça, c'est sur le netlabel Phonocake. We'll be right back.

un artiste vraiment original qui vient de l'Uruguay du nom de Tinnitus. C'était sa pièce La Tango en la Mano. C'était sur le net label Phonocake. Avant ça, on entendait de la Russie Yoko Absorbing, la pièce Free Culture. Ça, c'était sur le net label Clinical Archives. Donc, vous êtes toujours à Web Music. On va poursuivre avec un artiste de la Suède. Ben, un artiste, c'est plutôt un producteur qui spécialise dans toutes sortes de musique plutôt électronique. Donc, il s'appelle Mojib. Je vous fais passer la pièce Mayday Revisited. Donc, c'est une reprise du groupe Uncle. Vous allez probablement reconnaître la pièce. Ensuite de ça, une pièce quand même assez longue qui est du groupe Lust of a Child. La pièce s'appelle Beauty is Truth, Youth Beauty. Donc, une pièce qui dure 8 minutes, vraiment planante. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Mojib avec sa reprise de la pièce Mayday. Thank you. très belle pièce de Lust of a Child. La pièce s'appelle Beauty is Truth, Youth Beauty. Donc, c'était sur le netlabel Lost Children. C'est déjà tout pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce par l'artiste suédois de Toilet, un artiste complètement pété, ultra brutal, qui donne dans le scatologique. Donc, vous allez voir une pièce qui rentre dedans. La pièce s'appelle I'm Dreaming of a Brown Christmas. Donc, je vous laisse sur ça. Puis, c'est l'émission Poil de carotte qui suit tout de suite après. Bonsoir. Enjeux sociaux avec une petite touche musicale. Animé par Jean-Denis Côté, tous les dimanches de 11h à midi à CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Vous écoutez le 89.1, la radio culturelle à Québec.